radio, j'écoute entendre, percevoir cuf cuifis crixadio accessedi pépédite uxui apti ouest au relax sans grave sto, oe accessedi ibe de l'art, aifir tsri. C'est 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 4 5 6 5 9 6 5 9 7 6 4 TFK HGCGM.